Bonjour et bienvenue dans le podcast Notre Belle Fratrie, le podcast qui s'intéresse aux relations entre les frères et sœurs. Nous sommes Caroline et Charlotte, deux sœurs très proches qui avions envie depuis longtemps de créer un podcast ensemble. Il y a de, à boire et à manger un peu dans ce que je viens de dire. J'ai grandi avec eux et je me suis construite avec eux. Cet épisode sera consacré à notre fratrie. Bonne écoute. Alors, pourquoi ce podcast ? Si j'avais envie de faire ce podcast, c'est surtout pour créer quelque chose avec ma sœur. Déjà, tout simplement parce que je pense que ça fait longtemps avec Caroline qu'on avait envie de faire un projet, enfin de travailler sur un projet toutes les deux. Voilà. C'est faire quelque chose ensemble. Un projet, quoi. On aurait pu faire un arbre généalogique, puis finalement, ouais. On a fait un podcast. Ou même un gâteau au chocolat, mais ouais. Non, on a décidé de faire un podcast. Du coup, il y a un podcast. Pourquoi aussi sur les frères et sœurs ? Autant parler de ce qu'on connaît. Oui. Et de ce qu'on aime. Je trouve ça vraiment beau, les relations entre frères et sœurs, ou entre sœurs et sœurs. Puissant, unique. C'est comme un cadeau, en fait, d'avoir des frères et des sœurs. Quelque chose qu'on a ou qu'on n'a pas et qui a une dimension définitive. On a des frères et sœurs pour la vie ou on n'en a pas pour la vie. Et nous, on est très proches toutes les deux, mais aussi avec notre frère Thierry, qui est donc entre nous deux. Et donc voilà, on s'est lancé, on s'est dit bingo, il y a tellement d'histoires différentes de frères et sœurs. On voit dans notre entourage aussi que nos amis, nos cousins, cousines n'ont pas forcément les mêmes relations que nous on peut avoir ensemble. On se pose la question, est-ce que c'est l'âge, est-ce que c'est le fait que ça soit que des filles. Enfin bref, il y a plein de choses qui entrent en compte, qui peuvent expliquer les différentes sortes de relations. Pourquoi certains s'entendent bien et d'autres moins bien, voire ne se voient pas du tout. Quelle est la part d'impulsion des parents, d'initiative personnelle, de personnalité? J'ai l'impression qu'il y a autant de relations fraternelles que de familles. Je me questionne aussi sur les relations entre frères et sœurs et comment ça peut impacter la personnalité d'un individu. Parce que je suis moi-même maman et que j'ai un fils qui a 4 ans, qui pour l'instant donc est fils unique. Et moi je me suis construite différemment et son papa aussi. Puisqu'il a aussi un frère et une sœur. Et donc, c'est vraiment une question que je me pose, parce que pour moi, mon frère et ma sœur font partie de ma vie et je ne serais pas la même sans eux. J'ai grandi avec eux et je me suis construite avec eux. Donc voilà, j'espère que ce sera assez ambitieux et que on va aller chercher des belles histoires. Je pense qu'on peut trouver des belles histoires. Sommes-nous ? Eh bien écoutez, c'est une vaste question. Je pense que je ne suis pas sûre d'être à même de répondre. Donc je vais laisser cette partie à ma sœur. Merci, au revoir. Alors moi c'est Caroline, j'ai 35 ans. Je suis la grande sœur de Charlotte, qui a 9 ans de moins que moi. Et au milieu, on a notre frère, qui s'appelle Thierry, et qui est pile au milieu. Caroline et moi on a 8 ans d'écart et... Moi, j'ai 4 ans d'écart avec Thierry, donc je vous laisse faire le calcul entre Thierry et Caroline. Voilà, on s'en reparle. Tu sais que depuis tout à l'heure, j'arrête pas de dire « avec ma sœur, on a 8 ans d'écart ». Moi, j'arrête pas de dire « on a 9 ans d'écart ». Oh, en vrai, je crois, si on est tout à fait honnête, puisque je suis de juin et que tu es de janvier, on a 8 ans et demi d'écart. Oui, voilà, c'est pour ça. Moi, j'arrondis à 8 et toi, t'arrondis à 9. Ouais, voilà. Toi, tu vois le verre à moitié plein et moi, moitié vide. Moi, je pense qu'on s'est toujours bien entendu quand on était plus jeune. C'est plus avec mon frère que je me disputais, j'ai l'impression, parce qu'on était peut-être moins, on avait moins d'écart, mais j'ai pas trop l'impression de voir passer du temps à me disputer avec ma sœur. Justement, au contraire, elle avait plus un rôle de seconde maman, enfin, elle s'occupait beaucoup de nous et elle nous proposait toujours plein d'activités. C'est vrai que je suis l'aînée et je me suis un petit peu occupée d'eux, toujours comme une sœur, jamais comme des parents, mais j'avais cette responsabilité parfois. J'aimais leur transmettre des choses. J'ai toujours aimé inventer des jeux pour que, pendant l'été, pour qu'ils puissent, pour les occuper. Et donc, je pense que j'ai gardé ça de ma relation avec mes frères et sœurs. Et on faisait les Fort Boyard aussi. Ah oui, et les... tu sais, les trains fantômes et tout, la fête foraine. Ah ouais, c'est un faux souvenir. Je pense que c'est un faux souvenir. Il faut savoir que Charlotte, elle a plein de faux souvenirs, en fait. Elle nous dit des trucs et elle est la seule à se souvenir de choses. Mais c'est peut-être aussi que j'ai une très bonne mémoire, finalement. Oui, peut-être. Oui. Ou que tu inventes des choses, en fait, que tu affabules. Je sais. C'est bon, l'un bah ou moi, l'autre, écoute, tous les cas, j'en garde un très bon souvenir. C'est le principal. Oui. Le principal, c'est que tu ah bah oui, c'est soit positif pour toi. Et peut-être tu t'es construit sur ça, hein. Sur tes faux souvenirs. Je me suis construite sur un truc qui n'existe pas. Je sais pas. J'ai l'impression qu'on part un peu loin. Tu me dis ça comme ça, tu balances ça et c'est tout. On en reparlera autour d'une bière. Bon, écoute, c'est autour d'une bière ou chez le psychanalyste. Qu'est-ce que c'est donc ma place à moi dans la fratrie de nous trois? Je dirais que bon, je suis la petite dernière, donc ça c'est... Voilà. Avec tous les avantages que ça peut avoir d'être la dernière. Je pense que globalement, mes parents étaient quand même un peu plus détendus, on va dire, avec moi. Peut-être qu'ils me laissaient peut-être faire plus de choses que ma sœur. Peut-être qu'aussi parce que je demandais plus, je sais pas trop, mais j'ai l'impression d'avoir pu profiter de ça. Non, oui, mais on dit souvent que les petits derniers ont plus de liberté que les grands. En tout cas, c'est vrai que nos parents ont été assez stricts avec moi quand j'étais adolescente. Et peut-être un peu plus souple avec toi. Oui. Voilà. Mais je dois te dire que je sais pourquoi. C'est parce que je pense que tu savais beaucoup mieux t'y prendre que moi. Ah ben oui, peut-être. Enfin, si. Pour moi, c'était hyper important de faire des trucs. Enfin, toi aussi, c'était hyper important, mais enfin, je sais pas, c'était vital, quoi. Il fallait que je sorte voir des amis. Oui. Non, enfin bon, bref. Bon, enfin voilà. Et Thierry, c'est quoi son rôle? Il sait plein de trucs. Ah oui, c'est celui qui sait, Thierry. À chaque fois qu'on a une question, on demande à Thierry. Oui. Par exemple, c'était qui Jacques Chirac, tu vois, et Thierry, ouais. Il nous dit, il sait. Alors que nous, on sait pas. Bah, des fois, non, on est comme ça, on se regarde et puis on se dit, oula, on va demander à Thierry. Ou une addition, par exemple. Souvent. Ou alors allumer un ordinateur. En fait, c'est le plus intelligent de nous trois, mais bon. Ouais, bon, après, on va pas trop en parler non plus parce que. Enfin, faut pas trop que ça se sache, quoi. Alors, moi, je disais. Quand Thierry est arrivé, je pense que j'étais assez jalouse de lui pendant un moment. Enfin, de lui. Je disais toujours que c'était le préféré, mais pas de toi, bizarrement. Ah ouais? Ouais. Je m'en souviens pas parce que j'étais vraiment bébé. Après, c'était pas une jalousie, c'était une jalousie, je pense, normale quand on accueille un frère ou une sœur et que c'est le deuxième. Mais toi, comme on avait beaucoup d'écart et que t'étais la troisième, t'étais juste trop contente en fait. Pas été jalouse. Ouais, en plus t'étais une fille. Non, mais c'est vrai, je voulais. Mais c'est aussi parce que vous aviez pas beaucoup d'écart du coup. Oui, c'est ça. Oui. Enfin, pas beaucoup. Entre nous. Enfin, quand même, oui. On a quand même 4 ans et demi d'écart. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc, Ouais. Bah, moi, j'aurais toujours voulu avoir une petite sœur ou un petit frère. Ah oui. Enfin, assez longtemps. Mais bon, là, je suis en fait contente de ne pas avoir de petite frère ou de petite sœur. Ah bon ? Enfin, en fait, ça m'est égal, tu vois, parce que je m'entends trop bien avec vous deux et... C'est suffisant. Mais c'était une période où, je sais pas, j'avais vraiment envie d'avoir un petit frère ou une petite sœur. En fait, quand j'ai compris que vous étiez en train de vous casser de la maison... Tu voulais pas être la dernière bah, à rester. Non, enfin, bon, voilà, merci. C'était un peu dur quand vous êtes partie, ouais. Oui, tu me disais ça. Ben, moi, je m'en suis pas aperçue. Ouais, t'étais trop contente, en fait, de te casser, toi. Non, mais c'était... Une... Non, mais c'était normal. C'était normal, ouais. Mais le dimanche soir, quand tu partais, moi, j'étais hyper triste. Ah, mais je le savais pas. C'est vrai ? Mais oui. Je me suis aussi posé la question de comment faire pour garder le lien fraternel une fois adulte. Avec mon frère et ma sœur, ça s'est fait assez naturellement. Quand on est dans la même ville, on se voit tout le temps, et quand on n'est pas dans la même ville, on s'écrit, on communique, c'est primordial pour nous de rester en contact. On est un peu loin, mais on arrive quand même à se voir très souvent, parce que c'est hyper important pour nous de passer du temps ensemble, dès qu'on a l'occasion, on saute dans un Ouigo, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, n'étant plus sous le même toit, on peut se demander comment évolue cette relation une fois que nous sommes adultes. Aussi, du point de vue des parents, comment on fait pour que les enfants s'entendent bien, aient une bonne relation ? Comment ils ont fait nos parents ? On ne sait pas. C'est quoi ? Ben, ouais, je me suis posé cette question tout à l'heure. Je ne sais pas trop... Est-ce que c'est eux ou est-ce que c'est nous ? Est-ce que c'est le contexte ? Est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Bah, je sais pas, enfin, on a toujours fait des choses tous ensemble, en famille, ça a toujours été important. Je sais pas, c'est bête, mais de manger tous ensemble à table. Oui. Enfin, voilà, de faire des activités ensemble, du genre des randonnées. Quand j'étais petite, j'ai toujours pensé que ma famille, c'était la meilleure famille du monde. Je passais tous mes week-ends avec mes cousins et cousines. Et le socle de tout ça, c'était mon frère et ma sœur. Tu te souviens pas trop de ça, si ? Ben, je me souviens un peu, mais comme je suis aussi vraiment la dernière, même de tous nos cousins, c'est moi la plus jeune. Mm. Ben, par exemple, j'avais pas vraiment le droit de jouer à la console. Vous ne laissiez pas vraiment jouer, par exemple. Mais c'était trop, tu étais trop petite, tu sais bien. Ben oui, enfin, j'avais quand même envie de participer et bon, ben voilà... Oui, c'est vrai que... Non, j'avais pas mal d'écart, mais je me souviens pas de cette période, je m'en souviens pas ouais, beaucoup. Alors quoi. Que moi, ça m'a vachement construite. Parce qu'on oui. passait tous les dimanches avec tous les cousins, et donc comme on a tous un an d'écart, à un moment donné, on était hyper proches et on jouait bien ensemble. Quoi. Notamment... Ça avait l'air cool. Ouais, c'était cool. Enfin, je me disais que comme je vous avais, en fait, tous les deux, bah, j'avais l'impression que je serais jamais toute seule, quoi. Et ça me rassurait. Oui. C'est vrai que c'est hyper rassurant. Parce que, enfin, c'est vrai qu'on a plein d'autres types de relations. On a les amis, enfin, il y a plein d'autres types de relations. Mais je sais pas, les frères et sœurs, c'est quand même unique, particulier. T'es lié à vie, quoi. Enfin, oui. Bah, et surtout, je pense, dans notre famille... Où on a beau parfois... nous deux, on disait qu'on ne s'engueulait jamais trop, mais on peut parfois quand même... on sait que en fait, ça ne durera jamais, quoi. Que on reste, on sera en froid à plus parler. Oui. Enfin, je pense sincèrement que ça n'arrivera jamais. J'espère. Hein. Non, mais c'est vrai que c'est rassurant aussi, parce que on connaît pas ça dans notre famille, enfin notre famille au sens large. Tout le monde s'entend bien et on a cette chance-là d'avoir une famille qui est unie et on communique pas mal. Ouais. Oui, c'est vrai. Mais voilà, ça c'est un truc d'avoir des frères et sœurs quand même. Quand nos parents vieillissent ou quoi, ensemble. De savoir que t'es pas seule à devoir gérer